En Grande-Bretagne, un rassemblement pour féliciter le 7e congrès du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 21 mai à Londres. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que les photos sur les activités révolutionnaires des grands leaders et du maréchal Kim Jong-un. Y ont pris part les personnalités du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique du Sungun, du cercle d'études des études Jutsi, de l'association d'amitié avec la Corée, du comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes actuels 2017 et de l'Institut asiatique des études Jutsi. Les orateurs ont adressé la gloire suprême et les félicitations les plus chaleureuses au camarade Kim Jong-un, élu président du Parti du Travail de Corée.